La maison d'édition Près le Parti du Travail de Corée a fait paraître des affiches illustrées pour la célébration du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il. Sur les affiches, on voit les mots « 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, la journée de la brillante étoile, célébration », ainsi que la maison natale de Kim Jong-il dans l'ancien camp secret du Mont Paektun, le pic Jong-il, le soleil, le Kim Jong-ilia, fleur d'honneur, et encore les feux d'artifice sur le pic Jong-il qui reflètent la volonté des militaires et civils coréens de célébrer la journée de la brillante étoile, fête la plus heureuse de la nation, comme la journée commune de l'humanité.